الحمد لله الحمد لله رب العالمين La louange est à Dieu, Seigneur des univers. الذي خلق فسوى, qui a créé dans la plus parfaite harmonie, وقدر فهدى, et qui a donné à chaque chose sa mesure, puis a guidé sur la bonne voie. والذي أضحك وأبكى, et c'est lui qui fit pleurer et qui fit rire, وأمات وأحيا, et c'est lui qui donne la vie et qui donne la mort. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين, et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. له الملك وله الحمد, à lui la royauté et la louange. وهو على كل شيء قدير, et il est capable de réaliser toute chose. سبحانه وتعالى, gloire et pureté à lui le Très-Haut. خير الخالقين, il est le meilleur des créateurs. خير الرازقين, le meilleur des pourvoyeurs de subsistance. خير الراحمين, le meilleur des miséricordieux. خير الغافرين, et le meilleur des absoluteurs. يا رب, يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم, يا كاشف الضر والبلوى مع السقم, إن كان أهل التقوى فازوا بما عملوا, فمن يجود على العاصين بالكرم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. خير العابدين, le meilleur des adorateurs. خير من عبد وسجد, le meilleur qui a adoré et le meilleur qui s'est prosterné à Dieu. خير من وعى ودعا, le meilleur de ceux qui ont compris et qui ont appelé à Dieu. خير من بلغ الرسالة, le meilleur qui a transmis le message divin. وأدى الأمانة, et qui a honoré le dépôt confié de la part de Dieu. خير من نصح الأمة, le meilleur qui a conseillé la nation. وجاهد في الله حق جهاده, et il a lutté la vraie lutte pour Dieu. سيدي أمير الأنبياء, أقبلتك الفجر والضاحى الأسارير, تدعو إلى الله في بشر وتيسير, على جبينك نور الحق منبلج, وفي يديك لواء العدل والنور. صلى الله عليك عدد نجوم السماء. Que les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel, ورمال الصحراء, au nom des sables du désert, وأولاد آدم وحواء, et au nom de la descendance d'Adam et Ève. أما بعد, أيها الإخوة والأخوات في الإسلام, après ceci mes frères, mes sœurs en islam, أحباب الحبيب محمد المصطفى, très cher au bien-aimé Muhammad al-Mustafa, عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام, pour lequel on souhaite et on demande les meilleures prières et les hautes salutations. سأتكلم اليوم بإذن الله عن الذكرى التاسعة عشر بعد القرن الرابع عشر الهجري لميلاد أو نزول آية عظيمة من آيات القرآن الكريم. Je vais aborder aujourd'hui dans ce discours l'anniversaire, où je vais parler de l'anniversaire 1419 d'un verset coranique. يقول الله تعالى وتبارك في هذه الآية, Dieu dit dans ce verset coranique, اليوم أكملت لكم دينكم. Aujourd'hui, je vous ai parfait votre religion. وأتممت عليكم نعمتي. Je vous ai accordé ma grâce toute entière. ورضيت لكم الإسلام دينا. Et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. هذه أكبر نعمة لله تعالى على هذه الأمة. Il s'agit là de la plus grande grâce de Dieu envers cette nation d'Islam. حيث أكمل لها دينها, parce qu'il lui a parfait sa religion. Ceci ne signifie pas que la religion était incomplète ou imparfaite après la, avant la révélation de ce verset. ولكن يعني أنه بنزول هذه الآية لن يكون هناك فرض أو نسخ أو تحريم بعد الآية. Mais ceci signifie que après ce verset coranique, il n'y aurait plus une autre recommandation ou une abrogation ou une interdiction. وهكذا صار الدين الإسلامي دينا خالدا أبديا عالميا. Et ainsi, la religion musulmane est devenue universelle et éternelle. La nahtaju ila dinin jadid. On n'a plus besoin à une nouvelle religion. Wa la ila nabiin jadid. Et on n'a plus besoin d'un nouveau prophète. Faddinu alladhi bada'a ma'a Adam alayhi salam. La religion qui a démarré, qui a commencé avec Adam, prière et salut sur lui. قد اكتمل مع محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. Cette religion a pris fin ou est achevée ou est devenue parfaite avec le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, le sceau des prophètes et des envoyés. فلا حلال إلا ما أحله. Il n'y a de licite que ce qu'il a rendu licite. ولا حرام إلا ما حرام. Et il n'y a d'illicite que ce qu'il a rendu comme illicite. وَلَا دِينَ إِلَّا مَا شَرَّعَ. Et il n'y a de religion que ce qu'il a légiféré. وَبِكَمَالِ الدِّينِ. Et avec la perfection, l'achèvement de la religion, تَمَّتْ عَلَيْنَا نِعْمَةُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. La grâce divine nous est devenue entière et complète. Allah, الَّذِي اخْتَارَ وَرَضِيَ لَنَا أَن نَكُونَ مِنْ عِبَادِهِ الْمُسْلِمِينَ. Dieu le Très-Haut qui a voulu et qui nous a choisis pour être parmi ses serviteurs soumis à lui ou bien musulmans à lui. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. يَا عِبَادِي, ô mes serviteurs, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Ô mes serviteurs, aujourd'hui je vous ai parfait votre religion, je vous ai accordé ma grâce toute entière et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. أيها الإخوة والأخوات, mes frères et mes sœurs, ونحن نحتفل بذكرى نزول هذه الآية التي تكون يوم الأحد القادم. ذكرى هذه الآية يوم الأحد القادم. En célébrant, en commémorant l'anniversaire de ce verset coranique qui aura lieu ce dimanche. لا يسعنا إلا أن نشكر نعمة الله علينا. On ne peut que remercier la grâce de Dieu envers nous. ونقول من أعماق قلوبنا. Et on ne peut que dire à partir des profondeurs de nos cœurs. وبأعلى صوتنا. Et à haute voix, Alhamdulillah, la louange entière est à Dieu. الذي هدانا لهذا, qui nous a guidés vers cette voie. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Et on ne pouvait pas l'être si Dieu ne nous a pas bien guidés. فالحمدلله على هذه النعمة العظيمة. Que la louange entière soit à Dieu pour cette énorme grâce. Ala wa hiya dinul islam, cette énorme grâce qui est la religion de l'islam. Alladhi hadana ilayhi, vers laquelle il nous a orientés et guidés. Fa anqadana bihi min al-kufr. Et grâce à l'islam, Dieu nous a sauvés de la mécréance. Wa najjana min al-khuludi fil nar. Et grâce à l'islam, Dieu nous a délivrés de l'éternité en enfer. Wa amma من اختار دينا آخر غير الإسلام. Tandis que celui qui aura choisi une autre religion que l'islam, فإن العزيز الجبار يقول له. Le Tout-Puissant lui dit dans un verset coranique, ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Celui qui se veut comme religion autre chose que l'islam, cela ne lui sera jamais agréé et il sera dans l'autre monde parmi les perdants. ويقول كذلك القوي القهار. De la même manière, le très fort et le tout puissant dit: إن الدين عند الله الإسلام. Certes, la religion est pour Dieu l'islam. فالإسلام دين الله. L'islam est la religion de Dieu. الذي لا يقبل دينا سواه. Et il n'agrée pas une autre religion que lui. وهذه الآيات الربانية قد أبطلت كل دين سوى الإسلام. Ces versets ou ce verset divin a annulé, a rendu caduque toute autre religion en dehors de l'islam. Ayouha al-ikhwatu al-akhawat, mes frères et mes sœurs. Fal-islamu dinun kamilun ghayru naqis. Donc, l'islam est une religion parfaite et non incomplète. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, je vous ai parfait votre religion. Wal-islamu dinu ni'ma. Et l'islam est une religion de grâce, de clémence, de miséricorde. L'islam ni'ma. Et je vous ai parachevé ma grâce. Ça veut dire l'islam est une grâce. Et l'islam n'est pas une religion de souffrance ou de mal, c'est une religion de la grâce de Dieu subhanahu wa ta'ala. Dinul yusr wa laysa din al-usr. L'islam est une religion de facilité et non pas une religion de difficulté. Wa huwa dinu kulli makan wa zaman. L'islam est une religion de toute époque et de tout lieu géographique. Qad takaffala Allah bi hifdhihi min kulli ziyadatin wa nuqsan. Et c'est Dieu lui-même qui a promis de le préserver de tout ajout ou de toute diminution. Qala al-ulama, les savants ont dit: faman qala muta'ammidan bi anna ad-din naqis, celui qui va dire avec préméditation ou bien volontairement que la religion contient un manque, il y a quelque chose qui manque dans la religion, que la religion est incomplète, faqad kafar, il deviendra automatiquement mécréant. Wa man qala muta'ammidan bi anna ad-din fihi ziyada wa yajib an nanqus minhu umuran la tatamasha ma'a ruh al-'asr faqad kafar. Celui qui va nous dire un jour avec préméditation que la religion contient des choses en trop ou des choses en plus et qu'on doit éliminer ces choses qui sont en trop et qui ne sont pas conforme avec l'esprit de notre époque, deviendra automatiquement mécréant. وَمَنْ قَالَ بِأَنَّ الدِّينَ مَشَقَّةٌ وَعَذَابٌ وَلَيْسَ نِعْمَةٌ وَرَحْمَةٌ فَقَدْ كَفَرَ. Celui qui va dire comme quoi la religion est une difficulté, est une souffrance, et non pas une grâce et une clémence, deviendra automatiquement mécréant. وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِهَذَا الدِّينَ أو ببعض فرائضه فقد كفر. Celui qui n'agrée pas la religion dans sa totalité ou quelques parties de la religion ou quelques parties de ses obligations deviendra de la même manière automatiquement mécréant. فالحذر الحذر من كلام أو فعل يؤدي للخطر. Donc méfiance et une autre fois méfiance de toute parole qui peut mener vers le danger. فالإسلام دين كل الأنبياء من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم مرورا بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. Donc l'islam est la religion de tous les prophètes depuis Adam, prière et salut sur lui, jusqu'à Mohammed, prière et salut sur lui, en passant par le père des prophètes Abraham, prière et salut sur lui. الذي وصفه ربه في القرآن بقوله. Abraham que Dieu a décrit ou que son Seigneur a décrit dans le Saint-Coran, dans ce verset coranique: مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Abraham n'était ni juif, ni chrétien, mais il était un hanifite musulman, c'est-à-dire un vrai croyant musulman, et il ne faisait pas partie des associateurs. جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Un homme parmi les juifs est venu voir l'émir des croyants Omar, fils de Khattab, que Dieu soit satisfait de lui. فقال يا أمير المؤمنين. Et il dit au émir des croyants, آية في كتابكم تقرأونها. Un verset coranique que vous récitez dans votre livre. لو علينا معشر اليهود أنزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. Si c'était à nous, groupe de juifs, que Dieu a révélé ce verset, on ferait de ce jour de la révélation une fête. قال وأي آية؟ Omar lui dit, et de quel verset s'agit-il? قال اليوم أكملت لكم دينكم. Aujourd'hui je vous ai, il répondit, aujourd'hui je vous ai parfait votre religion. فقال عمر, et Omar a dit, إني لأعلم اليوم الذي أنزلت فيه. Je connais le jour de sa révélation. والمكان الذي أنزلت فيه. Et je connais le lieu de sa révélation. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة في يوم الجمعة. Ce verset a été révélé au prophète, prière et salut sur lui, à côté du mont de Arafat, dans un jour de vendredi. Rawahu l'imam muslim wa ghayruhu, rapporté par l'imam muslim et par d'autres. Fa yawm nuzul hadhihi al-aya huwa yawm Arafat, ma'na yawm al-ahad. Donc le jour de révélation de ce verset coranique était le jour de Arafat, ça veut dire ce dimanche. Ayyuha al-ikhwat wa al-akhawat, mes frères et mes sœurs, fi mithli hadha al-shahr bil-hijjah min as-sana al-ashira lil-hijrah, mes frères et mes sœurs, dans le même mois que celui-ci, le mois du pèlerinage, de l'année 10 de l'Hijr, waqafa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yawm Arafat. Le prophète, prière et salut sur lui, s'arrêta devant les gens dans un jour de Arafat, bijani bijabal al-rahma, à côté du mont de la clémence, wa nadhara ila al-jumu' min al-hujjaj allati tuqaddar bi 120 alfan. Et il a observé la foule des pèlerins qui étaient devant lui, estimée à 120 000 pèlerins. Huwa alladhi kana bil amsi yatiman bi Makkah. Lui qui était hier lointain, un orphelin, un petit orphelin de la Mecque. Thumma ja'ahu al-wahy bi ghar Hira ba'da 40 sana. Et après 40 ans, il a reçu la révélation dans la grotte de Hira. Fa kharaja min al-ghar yarta'ib, et il est sorti en tremblant de la grotte. Wa laysa 'ala wajhi al-ard muslimun ghayruh. Et il n'y avait ce jour-ci aucun autre musulman sur le sol terrestre à part lui. Il était l'unique musulman. Ha huwa al-yawm. Le voici aujourd'hui. Wa fi dharfi 23 sana min al-jihad. Et dans l'espace de 23 ans de lutte et de travail, jour et nuit, يقف أمام 120 ألفا من الحجاج. Le voici aujourd'hui qui s'arrête devant 120 000 personnes de pèlerins. جاءوا من كل الجزيرة العربية, venant de toute la péninsule arabique. وهم يهتفون, qui appelaient, qui criaient, لبيك اللهم لبيك, soumission à toi Seigneur, soumission. لبيك لا شريك لك لبيك, soumission à toi, nul associé à toi, soumission à notre Seigneur. Inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk, c'est à toi la loyauté, la grâce, la louange et le pouvoir. La sharika lak, nul associé à toi. Wa bada'a ar-rasul al-karim sallallahu alayhi wa sallam khutbatahu ila an-nas, et le prophète, prière et salut sur lui, a commencé son prêche adressé à la foule. Ayyuhannas, aux gens, isma'u qawli, écoutez bien ma parole. Fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha, car je ne sais pas, peut-être je ne vous rencontrerai plus en ce lieu après cette année. بهذا الموقف أبدا. لهذا سميت حجة الوداع. Raison pour laquelle on a appelé ce pèlerinage du prophète le pèlerinage de la Dieu. ثم تكلم صلى الله عليه وسلم عن كثير من الأمور. Et après le prophète prière et sagesse dans son discours, il a cité plein de points importants. تحريم العادات الجاهلية من ربا ودماء. L'interdiction de la pratique ou la tradition de la jahiliya comme l'usure ou la vengeance. وحذرهم من طاعة الشيطان. Et il a attiré leur attention de ne pas obéir à Satan. وظلم النساء. Et l'injustice aussi. Il faut faire attention de ne pas être injuste à l'égard des femmes. وعصيان الأمير, de ne pas désobéir au responsable. وظلم المسلم لأخيه المسلم, il a attiré leur attention de ne pas être injuste, que le musulman ne soit pas injuste à l'égard de son frère musulman. ثم قال صلى الله عليه وسلم, et à la fin il a dit, prière et sur lui, فعقلوا أيها الناس قولي, comprenez bien aux gens ma parole, فإني قد بلغت, parce que j'ai tout transmis. وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به. Et je vous ai laissé ce qui vous permettra de ne jamais vous égarer tant que vous vous en accrochez. كتاب الله وسنة رسوله, le livre de Dieu et la sunna de son messager. اللهم هل بلغت, ô Seigneur, ai-je bien transmis. وستلقون ربكم, et vous allez certes rencontrer votre Seigneur. فلا ترجعوا بعد ضلالا أو كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. Donc ne devenez pas après moi des égarés ou des mécréants dont les uns frappent les coups des autres. ألا ليبلغ الشاهد الغائب, que le présent transmette à l'absent. وأنتم تسألون عني, et on va vous interroger à mon propos, à mon égard. فما أنتم قائلون, qu'allez-vous dire. قالوا, ils dirent, نشهد أنك قد بلغت, nous attestons que tu as bien transmis. وأديت, et que tu as bien rempli la mission. ونصحت, et que tu as bien conseillé. فقال بأصبعه السبابة, il répondit avec son index, يرفعها إلى السماء, qu'il levait vers le ciel. وينكتها إلى الناس, et qu'il dirigeait vers la foule. اللهم اشهد, ô Seigneur, sois en témoin. اللهم اشهد, ô Seigneur, sois en témoin. اللهم اشهد, ô Seigneur, sois en témoin. وبعد هذه الشهادة البشرية, et après cette attestation, après ce témoignage humain, شهادة أهل الأرض, l'attestation des gens de la terre, تنزل في نفس اليوم, le même jour, il y avait la descente, شهادة ربانية, du témoignage divin, شهادة السماء, l'attestation du ciel, يحملها أمين الوحي, جبريل عليه السلام, porté cette attestation du ciel, portée par le secrétaire général de la révélation, l'archange Gabriel, prière et salut sur lui, اليوم أكملت لكم دينكم, aujourd'hui, je vous ai parfait votre religion. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, je vous ai parachevé ma grâce. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. بِمَعْنَى أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَقًّا بَلَّغَ الرِّسَالَ الْإِلَهِيَةِ, ها هو الله يشهد ويقول اليوم أكملت لكم دينكم. يعني النبي ما نقص ولا شيئا من الرسالة الإلهية. Ça veut dire que Dieu là atteste que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a transmis le message divin. Hatta iktamala ad-din, jusqu'à l'achèvement de la religion. Shahada ilahiyya ba'da ash-shahada al-bashariyya li Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une attestation divine qui vient juste après l'attestation humaine. Wa baka Omar radiyallahu anhu. Et juste après la révélation de ce verset, Omar a pleuré. فقال له النبي ما يبكيك يا عمر, le prophète lui dit, qu'est-ce qui te fait pleurer, ô Omar. قال أبكاني أن كنا في زيادة من ديننا, ce qui m'a fait pleurer que auparavant on était, ou notre religion était en pleine croissance. فأما إذا أكمل الدين فإنه لم يكمل شيء إلا ونقص. Mais comme maintenant la religion a touché sa pleine croissance ou son maximum, il n'y a pas une chose qui atteint le maximum de croissance sans commencer sa propre décroissance. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت يا عمر. Le prophète prière et s'assure, lui dit ce que tu dis est vrai, ô Omar. وهكذا فهم الرسول عليه الصلاة والسلام وبعض الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أن أجل النبي عليه الصلاة والسلام قد صار قريبا. Comme quoi, le prophète prière et s'assure lui et quelques-uns de ses compagnons ont compris que la fin du prophète, prière et saint sur lui, est proche. Si la religion est devenue parfaite, si la religion est devenue complète, ça veut dire le message est achevé. Ça veut dire la mission du prophète, prière et saint sur lui, a pris fin dans ce monde. Et l'heure du voyage a sonné. Et ainsi, ce verset coranique est devenu un miracle éternel. Un miracle qui montre à toutes les générations à venir la prophétie de Muhammad, prière et sa souris, لأنها نزلت عليه وهو يتمتع بصحة جيدة لم يكن مريضا. Parce qu'il a reçu ce verset en jouissant de toute sa bonne santé. Il n'était pas au lit. Il était sain et sauf. Fi zaman il hajj, il était dans le pèlerinage. La yastati'u amama quwwatihi fil hajj. Ayu tabibin fi dunya an yatawqa'a maut an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et devant cette bonne santé dans le pèlerinage, la bonne santé du prophète à l'époque, aucun médecin du monde ne pouvait prédire ou prévoir la mort du prophète, prière et sagesse. Walakin ba'da 81 layla, mais après ce jour de 81 nuits, min nuzul al-aya, de la révélation de ce verset, قبض ملك الموت روح النبي عليه الصلاة والسلام الطاهرة الطيبة. Après 81 nuits, l'ange de la mort a pris l'âme bonne et pure du prophète, prière et sagesse. وعادت إلى ربها راضية مرضية, et elle remonta satisfaite et satisfaisante à son Seigneur. يا حبيب الله, ô bien-aimé de Dieu, إننا من وراء القرون والسنين, nous voici après des siècles et des années. نشهد لك شهادة نلقى بها رب العالمين. Nous signons pour toi une attestation avec laquelle nous rencontrerons le Seigneur des univers. أنك بلغت الرسالة. وصلت رسالتك يا رسول الله. Tu as bien transmis le message au messager de Dieu. Nous avons reçu le message. وأديت الأمانة. Et tu as bien honoré le dépôt confié. ونصحت الأمة. Et tu as bien conseillé la nation. ونحوت الظلمة. Et tu as bien éliminé les ténèbres. وجاهدت في الله حتى أتاك اليقين. Et tu as bien lutté sur le chemin de Dieu jusqu'à subir la mort. فصلى الله عليك وسلم صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم الدين. Que la prière et le salut de Dieu soient pour toi d'une façon permanente, continue jusqu'au jour de la rétribution. أيها الإخوة والأخوات, mes frères et mes sœurs, ونحن نستقبل ذكرى نزول هذه الآية الكريمة, en célébrant l'anniversaire de ce noble verset coranique. اليوم عرفة وعرفة يوم الأحد القادم أكملت لكم دينكم. Aujourd'hui, le jour de Arafa, c'est-à-dire ce dimanche qui vient, je vous ai parfait votre religion. تعالوا ننظر هل نحن متدينين. Venez voir qu'on regarde, est-ce qu'on est pratiquant de notre religion. هل نحن مسلمين. Est-ce qu'on est vraiment musulman après 1429. فمن حيث العدد والكم, du côté du nombre et de la quantité, نحن الأولين, on est les premiers. أكثر من مليار, plus qu'un milliard. ولكننا غثاء كغثاء السيل, mais on est une mousse comme celle d'eau courante. لأننا من ناحية الكيف والقيمة نحن الآخرين, parce que du côté de la qualité et de la valeur, on est bien les derniers. خفنا من الموت, on a peur de la mort. وَأَحْبَبْنَا الدُّنْيَا وَالْمَلَيِينَ, et nous avons aimé la vie ici-bas et les millions. تركنا الصلاة nous avons abandonné la prière. منعنا الزكاة nous avons arrêté la زكاة. واتبعنا الشهوات et nous avons suivi les désirs. نسينا الجنة والنار. Nous avons oublié le paradis et l'enfer. وعصينا العزيز الجبار. Nous avons désobéi au tout fort et à Dieu le très fort et tout puissant. فمن عذابه لسنا خائفين. Et de son châtiment, on n'est pas effrayé. استبحنا الحرار. Nous avons rendu licite l'illicite. كذب mensonge, nifab, hypocrisie, riche, tromperie, hila, ruse, zour, fraude, ghaiba, médisance, wa namima, calomnie, fasirna, zalimin, et on est devenu injuste, asana ila zawja, nous avons maltraité la femme, adayna al-jiran, nous avons fait du mal aux voisins, wa lirrahim qati'in, et nous avons coupé les liens de la parenté, asayna al-walidain, nous avons désobéi aux parents, lam nukrim al-yatim, nous n'avons pas honoré l'orphelin, wa lam larham al-masakin, et nous n'avons pas pitié envers les pauvres, qata'na awasir al-ukhuwa, nous avons coupé les liens de la fraternité, asbahna mushattatin, mutafarriqin, et on est devenu dispersé, divisé, kullun يعمل لنفسي chacun œuvre pour soi وضاع الإخلاص et nous avons perdu la trace de la sincérité وضاعت مصلحة المسلمين et nous avons perdu ou négligé l'intérêt commun des musulmans شبابنا تركوا التقوى nos jeunes ont tourné le dos à la piété واتبعوا المغنين والممثلين et ils ont suivi les chanteurs et les sportifs. Malheur au sujoun, ils ont rempli les prisons. Wa haraboudin, ils ont combattu la religion. Banatuna, tarakna al-hijab. Nos filles ont abandonné le voile. Wa takhadna al-ashab, et ont pris des petits copains. Wa mala'na al-mustashfayat bi-awlad al-zina wal-haramiyin, et ont rempli les hôpitaux des fils ou des enfants d'adultères illégitimes. Abihada yarda anna al-rasoul. Sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que grâce à ça, le prophète prière et sa joie va être satisfait de nous? Et avec ça qu'on va rencontrer le Seigneur des univers. Voici l'anniversaire de l'achèvement de la religion qui arrive ce dimanche. Pour nous trouver comme quoi on a négligé la religion. Et qu'on est très loin de la religion. Et comme quoi nous avons délaissé ses recommandations. Si la foi est négligée, il n'y a plus de paix. Et il n'y a de vie. Il n'y a aucune vie à celui qui ne donne pas à la religion une vie. وَمَنْ رَضِيَ الْحَيَاةَ بِغَيْرِ دِينٍ Celui qui se satisfait de la vie sans religion, فَقَدْ جَعَلَ الْفَنَاءَ لَهُ قَرِينًا aura fait pour lui de la perdition un compagnon, وَوَاللَّهِ لَا حَلَّ بَيْنَ أَيْدِينَا Et par Dieu, on n'a aucune solution devant nous, وَوَاللَّهِ مَا لَنَا مِنْ سِيَاسَةٍ تُنْجِينَا Et par Dieu, on n'a aucune politique qui peut nous sauver, illa tawbatun sadiqa, à part un repentir sincère, wa sulhun ma'a rabbil alamin, et une réconciliation avec le Seigneur des univers. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى أما بعد أيها الإخوة والأخوات في الإسلام mes frères, mes soeurs en islam لقد صلى اليوم بالمسجد الحرام بمكة ما يقارب مليونان من الحجاج aujourd'hui à peu près il y avait 2 millions qui ont fait leur prière du vendredi dans la mosquée sacrée à la Mecque. Wa fi sabah al-thamin dhil-hijja, yani sabah al-ghad, yawm al-tarwiyya, sayakhrujuna ila Minan. Et le matin de demain, ça veut dire le jour de Tarwiyya, les pèlerins vont se diriger vers Minan. Ils vont quitter la Mecque pour aller vers Minan. Wa fi sabah yawm al-ahad, tasi'i dhil-hijja, et le matin du de ce dimanche, le 9e jour du pèlerinage, yadhabuna ila Arafah. Ils vont se diriger vers Arafah, liyaqifu bayna yaday Allah azza wa jalla, afin de s'arrêter devant Dieu le Très-Haut. Ulufun mu'allafah, des milliers de milliers. Yalbasuna al-ihram, vêtus des habits de sacralisation, al-ihram al-abyad, les habits blancs, kama yalbasu al-mayyit al-kafan, exactement comme le mort qui porte le linceul blanc. Wa humma bayna talbiya wa takbir, et ils sont entre la proclamation de la soumission et la grandeur de Dieu. Wa khawfin wa raja, et entre les sentiments de la crainte et de l'espoir. Wa du'a'in wa buka, et entre des invocations et des pleurs. Fa fi ardi Arafat tuskabu ad-dumu'u wal 'abarat, parce que sur la terre d'Arafat que se versent les larmes. Wa tughfaru ad-dhunub, et c'est là-bas que se pardonnent les péchés. Wa tustajabu ad-da'awat, et c'est là-bas que s'exaucent les prières. Wa yabqa al-hujjaj fi intidar ila al-masa', et les pèlerins vont attendre toute l'après-midi du dimanche jusqu'au soir. Kama yaqifu an-nas ghadan yawm al-qiyamah bayna yaday Allah fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana, comme le jour de la résurrection, les gens vont s'arrêter devant Dieu, mais pendant un jour qui va durer 50,000 ans. Fa yawm Arafah yudhakkir bi yawm al-qiyamah, le jour d'Arafah ressemble ou nous fait penser au jour de la résurrection. Fa nas'alu Allah lil-hujjaj wa lana an-najat wa as-salama, on demande à Dieu, pour le pèlerin et pour nous-mêmes, le salut et la paix. Atadruna ma hiya al-ja'iza ayyuha al-ikhwat wa al-akhawat, connaissez-vous quelle est la récompense de tout cela, mes frères et mes sœurs? Al-ja'iza, la récompense, anna Allah ta'ala wa tabarak yubahi al-mala'ika bil-waqifin bi-arafa tahta ash-shams fayaqul, c'est que Dieu devant les anges souligne le mérite des pèlerins debout en dessous de du soleil pendant le jour du Arafat, et il dit, Ya malaikati, ô mes anges, onduru ila ibadi, regardez mes serviteurs, kayfa atawni shu'tan ghubra, qui me sont venus ébouriffés, poussiéreux, ushidukum anni qad ghafartu lahum, je fais de vous des témoins comme quoi je leur ai accordé mon absolution. Wa arafa yawmun azimun ajru, le jour d'Arafat a un énorme salaire. Wa khayruhu la yakhussu al-hujjaj faqat, et son mérite ne concerne, ou sa vertu ne concerne pas uniquement les pèlerins, bal ya'ummu kull al-muslimin fi al-'alam, mais englobe tous les musulmans dans le monde. Fa kullu man sam hadha al-yawm yawm al-ahad yawm arafa ghafara Allahu lahu dhunuba sanatayn, toute personne dans le monde qui jeûne pendant ce jour du mois d'Arafa, ça veut dire ce dimanche, qui jeûne pendant ce jour d'Arafa, dimanche, Dieu va lui pardonner les péchés de 2 ans. Qala sallallahu alayhi wa sallam, le prophète prière et sage lui dit, yukaffiru sanat al-madiya wal-baqiya, le prophète a dit prière et sage lui, il pardonne ou il efface les péchés d'une année terminée et d'une année qui reste, ça veut dire l'année passée, l'année à venir, rawahu l'imam muslim, rapporté par l'imam muslim. Ya'ani yaghfir dhunuba hadhihi as-sana wa as-sana al-qadima. Fahani'an liman waffaqahu Allah li'amali al-khayrati fi hadhihi al-ayyam. Félicitations à celui ou à celle qui s'est vu aider par Dieu à faire des bonnes actions pendant ces jours. Wa sabah al-ithnayn 'ashir dhil-hijja, et le matin du 10e jour du pèlerinage, ça va être le lundi. يكون عيد الأضحى, il y aura la fête du sacrifice. وأذكر بأن الصلاة ستكون في هذا المسجد على الساعة التاسعة والنصف صباحا, je rappelle que la prière aura lieu dans cette mosquée à 9h30 وستطول 30 دقيقة أو 40 دقيقة, elle va durer à peu près 30 à 40 minutes. وآخر شيء أقوله لكم اليوم, la dernière chose que je vais vous dire aujourd'hui, أنه زارتنا لجنة من المغرب من إقليم فيجيك, une commission nous est venue du Maroc, du département de Figig, لجمع التبرعات للمنكوبين إثر الفيضانات التي عرفتها الأقاليم المغربية, afin de collecter des aides pour les victimes des dernières inondations qu'a connu le Maroc. فأعينهم في هذه الأيام العشر في أيام الخير, وكل يوم بألف يوم عند الله وكل صدقة بألف صدقة عند الله. Donc aidez-les, aidez vos frères et sœurs qui sont maintenant pendant les périodes de la fête, pendant ces jours, ces 10 jours où la bonne action est multipliée par 1000 ou plus, chaque jour de ces jours est comptabilisé par Dieu comme 1000 jours. On demande à Dieu de nous aider tous à faire les bonnes actions pendant ces jours. Allahumma inni da'in fa'aminu. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina wa al-afwa wa al-afiyah في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب يا من لا إله إلا أنت يا واحدا في عليائك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين نتوجه إليك اليوم نقول لك يا رب لك الحمد أن مددت في حياتنا حتى عشنا هذه العصر هذه الأيام العصر. يا رب إن مددت في حياتنا فلا تحرمنا أجرها. يا رب امنحنا أجر العصر هذه العصر عصر البركة وعصر الخير. يا رب يا رب وفقنا للطاعة. يا رب وفقنا لما يرضيك. يا رب وفقنا لعمل الخير وتقبل منا هذا الخير برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب اغفر ذنوبنا في هذه الأيام. يا رب لا تحرمنا من رحمتك في هذه الأيام. يا رب نسألك في هذا اليوم أن تساعد سفراءنا الحجاج هناك. يا رب ساعد الحجاج أرهم مناسكهم تب عليهم تقبل منهم حجهم اغسلهم من الذنوب ومن الآثام وردهم سالمين غانمين كيوم ولدتهم أمهاتهن برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب يا من لا إله إلا أنت نسألك أن تبلغ في هذا اليوم صلاتنا وسلامنا إلى إمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى أزواجه الطاهرين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم من كان مريضا فاشفه واغفر ذنبه. من كان مسافرا اللهم أوصله إلى بلاده. من كان مستدينا اللهم أد عنه دينه. اللهم من كان مبتلا ارحمه وارفع عنه بلاءه. يا رب ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.